tu comprends ce que tu veux faire, bien là, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu trouves des gens qui veulent faire les choses que tu fais, puis qu'ils font mieux que toi pour te l'apprendre. T'sais. Moi, je cours après des maîtres. Là. Quand quelqu'un, il pompe, tout le temps devant, oui, on y va, yes, man. Fait que tous ces petits détails-là, moi, je ramasse ça. Mais je vais chercher ça chez des maîtres. Ben, lui, il maîtrise ça. Ah oui, c'est lui. C'est lui que je vais aller chercher. C'est dur de se bâtir soi-même, mais rapidement. Ben, tu as besoin de conseils, puis quand c'est intelligent, c'est intelligent. Je pense que le plus grave défaut que les gens peuvent avoir, c'est de rivaliser. Parce que quand tu ne rivalises pas, tout ce que tu peux apprendre, c'est hallucinant. Là. C'est ça l'évolution. Bien, en tout cas, quand tu es rendu à ne pas vouloir compétitionner avec quelqu'un, mais aller chercher le meilleur que ce qu'il fait, c'est avancé, là. C'est ça, être avancé, là. C'est sûr. Mais quand je vois des gens, là, que... C'est que s'ils perdent, ils broillent, là. Je ne sais pas, il y a quelque chose... quelque chose qui ne va pas, là. Ça, c'est compétition. Bien, j'ai déjà connu ça, là, mais pas à ce point-là. J'ai vu des gars, moi, en compétition, là, Chris garocher le bicycle dans le trailer pour casser des morceaux. Ah ouais, parce qu'il était arrivé cinquième plutôt que premier. Là. Il y a des gens, c'est des mauvais perdants. C'est hallucinant. Mais tu sais, quand tu casses 2000 pièces d'équipement, si juste parce que tu n'as pas gagné, je sais pas, quelque chose ne marche pas, là. Parce que les motos, là, ça coûtait cher les pièces là-dessus. Là. Les chocs, c'était 500 pièces du choc, 1000 pièces un set. Sacrement, man, fais attention. Là. Ça, c'est un adepte qui manque de maîtrise. C'est effectivement bien dit, effectivement. T'es une petite vite, toi, hein? C'est ça.